Ce matin devant vous, je raconte l'histoire d'un jour. J'étais petite. Il y avait un homme. Il y avait une femme. J'étais pas du milieu, mais ils se connaissaient. Faisaient l'amour entre eux. Elle nous enseignait, lui, il nous parlait d'elle. Je rêvais dans les temps, il venait dans ma tête. Il s'appelait l'ancien, il m'appelait mineur.